La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, 1933-1945, des physiciens en exil. Certaines révolutions sont lentes et ne font pas couler de sang. Au cours des années 1925-1935, la physique a connu une telle révolution avec la naissance de la mécanique quantique. Des concepts radicalement neufs furent inventés qui conduisirent les physiciens à penser autrement la matière. Une décennie d'effervescence créatrice, d'audace, de tourment et surtout d'intense labeur a suffi à un petit nombre d'entre eux pour fonder l'une des plus belles constructions intellectuelles de tous les temps. Dispersés aux quatre coins de l'Europe, à Cambridge, Copenhague, Paris, Göttingen, Leipzig, Munich, Zurich ou Rome, ils se connaissaient bien, s'écrivaient souvent et formaient un petit réseau terriblement efficace. Mais le drame, c'est qu'au moment où l'Europe scientifique produisait là le meilleur d'elle-même, l'Europe politique, elle, engendrait le pire. Mussolini, Hitler, Staline, l'antisémitisme, inutile de faire un dessin. De nombreux physiciens européens durent quitter leur pays. La plupart, à commencer par Einstein, se réfugièrent aux États-Unis, ce qui déplaça le centre de gravité de la physique d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Mais comment parvient-on à réfléchir, à se concentrer, à faire de la recherche quand on est en exil? Pour répondre à cette question, j'ai invité un physicien qui a étudié la question, Sébastien Balibar, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes physicien, donc directeur de recherche à l'École normale supérieure, membre de l'Académie des sciences, et vous publiez un livre intitulé « Savants cherchent refuge, comment les grands noms de la science ont survécu à la Seconde Guerre mondiale ». Oui. Qu'est-ce qui vous a mené à étudier cette période historique, vous qui êtes un spécialiste reconnu de l'hélium superfluide? C'est l'hélium en question qui m'a amené à ça. Mais bon, il faut dire que mon livre, ce n'est pas un essai universitaire, hein, c'est un ensemble de récits qui se croisent et qui posent des questions que je crois intéressantes. Alors, pourquoi l'hélium? Eh bien, il y a quand même plusieurs années, j'étais jeune étudiant, je cherchais un sujet de thèse intéressant pour faire mon doctorat, et je suis tombé un peu par hasard sur une propriété tout à fait extraordinaire, d'un liquide très froid, qui est donc l'hélium superfluide, à près de ce qu'on appelle le zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés ordinaires. Je me suis aperçu, en cherchant autre chose, que la manière dont s'évaporait l'hélium liquide était très différente des liquides classiques. Par exemple, c'est un liquide qui ne boue pas, contrairement à l'eau dans votre casserole si vous la chauffez par le bas, mais qui s'évapore par la surface d'une manière qui est semblable à l'effet photoélectrique qui a valu le prix Nobel à Einstein. Et donc, c'était magnifique, c'était ma première découverte, disons, ou en tout mais cas... Mais par une expérience, vous l'avez découvert. Bien sûr, je suis expérimentateur, oui. Et j'aime bien avoir des surprises quand je fais des mesures. Et donc, comment est-ce que vous avez vu que c'était seulement la surface qui s'évaporait? Eh bien, parce que j'ai étudié la manière dont les atomes sortaient du liquide. J'ai démontré qu'ils sortaient par la surface en mesurant leur vitesse, qui est très particulière. Beaucoup d'entre eux sortent à 79 mètres par seconde. C'est la vitesse d'un TGV un peu rapide, quoi. Bon. Et donc, j'ai mesuré ça, oui. Et c'est ça qui est très particulier, parce que de même que les électrons qu'éjectent de la lumière quantifiée, ce qu'on appelle des photons, les électrons sortent avec une énergie particulière qui est tout simplement la différence d'énergie entre le photon et l'énergie de liaison de l'électron dans le métal. Bon. De même, dans l'hélium superfluide, c'est pas la lumière qui est quantifiée, c'est la chaleur, en fait, disons les choses un peu rapidement comme ça. Et donc, c'est parce que la lumière, la chaleur est quantifiée que la surface reçoit ce qu'on appelle des excitations élémentaires, dont une a un joli nom, elle s'appelle un roton. Bon, comme si ça tournait, mais c'est pas vrai, mais ça fait rien. Et donc, ceci suffit à éjecter les atomes un par un de la surface avec une énergie très particulière, donc une vitesse très particulière, c'est les 79 mètres par seconde. Et en changeant la hauteur de la surface avec des détecteurs astucieux, j'étais pas tout seul à faire ça, mais quand même, j'étais le principal auteur de ce travail. On a mesuré cette vitesse, on a trouvé, et donc, d'ailleurs, c'est un phénomène, je me suis aperçu après qu'il avait été prévu par un autre prix Nobel qui s'appelle Phil Anderson. que j'ai connu par ailleurs, et même séduit en lui jouant du Schubert d'ailleurs. Ah, bravo. Mais qu'est-ce qui fait que l'hélium est si difficile à liquéfier? Est-ce qu'il y a dans sa structure quelque chose qui explique? Oui, on s'éloigne un peu du sujet de mon livre, mais pourquoi pas? Oui, oui. Non, vous en parlez, et puis je raconte. Il y a eu toute une course au froid. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un gaz, quand on le refroidit, passe à l'état liquide? Eh bien, c'est une question de balance, d'équilibre entre les fluctuations thermiques, ce qui fait l'agitation thermique de la matière, et puis les forces d'interaction entre ces atomes ou molécules. Donc, l'attraction, bien sûr, tend à faire un liquide où les atomes sont plus près les uns des autres, hein, mais le désordre thermique tend à les garder à distance, quoi. Bon. Alors, l'hélium, c'est un petit atome très rond, qui est donc à ce qu'on appelle une polarisabilité très faible. Autrement dit, les atomes d'hélium s'attirent, mais très peu les uns les autres. Donc, pour réussir à liquéfier, il faut descendre à des températures très froides. Et donc, au début du XXe siècle, c'était un peu la course, la guerre du froid, comme dit Monsieur Matricon. Et donc, au fur et à mesure que les gens faisaient des progrès dans le refroidissement et la fabrication donc de liquéfacteurs et de choses comme ça, la technique du froid, quoi, on a réussi à descendre de plus en plus froid. Et en dessous de moins 271 degrés, on s'est aperçu qu'un liquide, bon, un peu particulier, qui est l'hélium liquide. D'abord, le gaz se transformait en liquide, donc c'était pas un gaz permanent, c'était comme tous les gaz, il se liquéfiait, sauf que en dessous de 2 degrés absolus, donc là c'est fait moins 271, ce liquide avait des propriétés invraisemblables. Alors, exemple, quand on remplit un verre avec de l'eau, l'eau reste au fond du verre, hein, d'habitude. Bon, si on fait ça avec de l'hélium liquide, qu'on appelle superfluide pour une raison que je vais vous expliquer le plus vite possible... l'hélium, il remonte les parois, le bord du verre, et il tourne autour du bord, justement, et il redescend en dessous, et goutte à goutte, le verre se vide tout seul. Bon, ce qui est quand même un peu étonnant. Alors, aussi, j'ai déjà un peu fait allusion à ça tout à l'heure, quand vous chauffez un liquide, d'habitude, il boue. Quand on s'approche de sa température d'ébullition, bon, 100 degrés pour l'eau, eh bien, il apparaît des bulles un peu partout, ça crée un désordre considérable dans l'eau qui boue. Mais ça, en dessous de ces moins 271 degrés, l'hélium liquide ne le fait absolument pas. Ça reste totalement calme, qui est une image de l'ordre qui s'établit, sauf qu'on a mis des décennies à comprendre quelle était la nature de cet ordre. Et puis, surtout, et c'est pour ça qu'on l'appelle superfluide, cet hélium liquide, à condition d'être suffisamment froid, il est capable de s'écouler à grande vitesse à travers la moindre fente ou même à l'intérieur du plus petit tube capillaire qu'on peut imaginer, par exemple 100 fois plus mince qu'un cheveu. Aucun liquide classique, que ce soit de l'eau, a fortiori du miel ou de l'huile, n'est capable de couler dans des espaces aussi ténus. Bon. En revanche, l'hélium liquide, on s'est aperçu donc en décembre 1937, dans deux endroits différents, en compétition l'un avec l'autre, qui était Cambridge et Moscou, que l'hélium liquide, très froid, coulait à grande vitesse à travers n'importe quel petit orifice, petit capillaire, petite fente, etc. Donc c'est comme ça qu'un Russe, un monsieur très remarquable, qui a eu le prix Nobel en 1978, autant que je me souvienne, qui s'appelait Piotr Kapitsa, a appelé ce liquide superfluide. Il est plus fluide que les autres, si vous voulez. Donc, Sébastien Malibar, si je comprends bien, un vase d'hélium déborde même si aucune goutte ne vient faire déborder le vase. Ah, on peut le faire déborder en agitant le récipient. Mais il n'y a pas besoin, hein. C'est pas nécessaire, il déborde tout seul. Mais c'est pas nécessaire, oui. Il déborde tout seul, oui. Ce qu'on a compris. Alors. Donc, est-ce que c'est cette étude expérimentale que vous avez faite à propos de l'hélium qui vous a conduit à vous intéresser à ceux qui avaient effectué les premiers travaux? Oui, alors avant la Deuxième Guerre mondiale sur cette Je voudrais préciser un peu les choses. Il y a cette découverte expérimentale à Cambridge et à Moscou en même temps, avec des problèmes de concurrence très intéressants. Par exemple, j'ai appris combien de temps mettait une lettre à aller de Cambridge à Moscou en 1938. Je ne savais pas, a priori. C'est quoi, 15 jours? Non, une semaine. Oui, oui. Je vais pas tout raconter. Lisez mon livre. Je l'ai lu. Bon, mais ensuite, qui a compris ce que c'était, la propriété physique qui était à l'origine de ce comportement étrange. Et là, c'est début 1938, et ces deux réfugiés, un Allemand, Fritz London, et un Hongrois, Tissa, Laszlo Tissa, qui se sont retrouvés fuyant le nazisme dans leurs pays respectifs, qui se sont retrouvés à Paris, l'un au Collège de France, l'autre à l'Institut Henri Poincaré, et qui, en quelques mois, ont compris quelque chose qui est, à mon avis, révolutionnaire, à savoir que la physique quantique, qui est quand même difficile à comprendre, mais tant qu'on pense que c'est seulement la propriété de l'intérieur des atomes, bon, c'est très petit, on voit pas ça, donc pourquoi pas, pourquoi les particules ne seraient pas des ondes. Mais d'un seul coup, Tissa et surtout London ont compris que la physique quantique permettait de comprendre des comportements de la matière visible à l'œil nu, donc macroscopique, en particulier un litre d'hélium liquide très froid. Et ça, je crois que c'est une étape très importante dans les progrès extraordinaires qui ont été faits dans cette période de l'histoire. On a compris que la physique quantique, c'était aussi... Ça peut se voir, oui, dans mon laboratoire. À notre échelle. J'ai mis des fenêtres sur mon réfrigérateur et on voit l'hélium liquide, effectivement. On voit qu'il s'arrête de bouillir, on voit tout ça, oui. Et puis ensuite, la physique quantique a envahi à tel point la technologie moderne qu'il y en a absolument partout dans notre environnement, oui. Alors, en fait, pour revenir à la question de départ, en m'intéressant de plus en plus à la manière dont cette découverte s'est faite... par qui, dans quelles conditions, surtout que je me doutais un peu qu'en 1938, on était un an avant la déclaration de guerre. L'antisémitisme, on n'avait pas oublié l'affaire Dreyfus, et puis ça prenait des proportions graves dès que le Front populaire a cédé la place à Daladier. Bon. Comment ces savants remarquables, réfugiés, qui se trouvaient bien en principe en France et qui ont demandé la naturalisation française, ils l'ont pas obtenue d'ailleurs, comment ça s'est passé? Et donc, je me suis progressivement aperçu que, comme vous l'avez dit au début, à cette époque, la science allemande était à la pointe du progrès, mais que le nazisme l'a ravagée. C'est-à-dire que le nazisme a fait fuir une quantité considérable, tous les grands ou presque, sauf Heisenberg, disons, de l'époque, se sont enfuis, certains en Angleterre, certains autres en France, et beaucoup finalement aux États-Unis. Ça résonne un peu avec la période actuelle, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de l'immigration et surtout de l'attitude de certaines couches, populaires ou pas, vis-à-vis des immigrés. Et on retrouve le même genre de discours, hein, qui, personnellement, me paraissent souvent... insupportable, du genre, au lieu de constater la richesse que représente l'accueil d'étrangers, avec une culture, des idées différentes, etc., eh bien, on prétend qu'ils vont nous piquer notre boulot, quoi. C'est ce que disent des gens vulgairement. Et puis, la manière dont on a pu accueillir ces étrangers, qui étaient souvent donc des juifs immigrés, bon, c'était compliqué. Parce que la France, en particulier, n'était pas prête à accueillir n'importe qui. Il y a des gens qui protestaient. L'Allemagne nazie se félicitait que les immigrés aient des difficultés à s'installer en Angleterre et en France. Et donc, il fallait réunir trois conditions pour réussir à accueillir un assez grand nombre de réfugiés. La première, c'était qu'un certain nombre d'intellectuels ou d'universitaires courageux prennent l'initiative de créer une sorte de comité d'accueil. C'est ce qui s'est passé en France avec beaucoup de célèbres scientifiques du Collège de France, tels que Jean Perrin, Paul Langevin, Frédéric et Irène Joliot-Curie, Jacques Adamard, des très très grands noms de la science, prennent l'initiative d'organiser quelque chose, c'est-à-dire un comité d'accueil qui soit susceptible d'aider à vivre ces immigrés immédiatement sans attendre forcément l'obtention d'un poste stable, ce qui évidemment prend du temps. Alors ensuite, il faut quand même une sorte de soutien des pouvoirs publics. En France, ça s'appelle la reconnaissance d'utilité publique. Et donc au moment court, une année, hein, où le Front populaire a été au pouvoir... Ils ont eu comme secrétaire d'État à la recherche scientifique deux prix Nobel l'un après l'autre, Madame Irène Joliot-Curie, assez rapidement suivie de Jean Perrin. Et donc, ils ont reconnu l'utilité publique, le comité d'accueil qu'avait fondé un biologiste qui s'appelait Louis Rapkin, en cachant son nom parce qu'il était étranger, donc il n'avait pas le droit de le faire. Et surtout, cette reconnaissance d'utilité publique par le gouvernement a permis à ce comité d'accueil de trouver du mécénat. Et donc, dans d'autres pays, c'était la Fondation Rockefeller. En Angleterre, c'était les Imperial Chemistry Industry de Ludwig Mondt. Et en France, ça a été la Fondation Rothschild, plus des personnalités, en particulier le grand médecin Robert Debré, qui donc était le père de Michel Debré, l'homme politique, et de son frère, le peintre Olivier Debré. Donc c'est cette conjonction d'un groupe d'intellectuels courageux, d'un pouvoir public intelligent et de mécènes riches et non moins intelligents qui a permis à la France d'accueillir un certain nombre de ces réfugiés. En Angleterre, ça s'est passé avant, sans doute parce que le système anglais était plus souple. Et puis aux États-Unis, il y avait beaucoup de difficultés, en particulier l'obtention d'un visa était très difficile, mais il y avait à nouveau des structures, des comités d'accueil fondés par des intellectuels et du mécénat. Bon. Et donc l'examen comparatif de l'accueil des réfugiés dans ces trois pays m'a paru de plus en plus passionnant au fur et à mesure que je me renseignais. J'ai eu pour ça d'ailleurs l'aide d'une historienne et qui est aussi archiviste, qui s'appelle Diane Dessau, que je salue si elle m'écoute, parce qu'elle m'a rendu des services extraordinaires pour trouver des documents qui sont souvent extrêmement émouvants. En particulier parce que, donc en France, j'y reviens, ça a été rapidement la guerre. La guerre à partir de septembre 39. Hein. Et entre-temps, le gouvernement Daladier avait pris une série de mesures sous forme de lois ou d'ordonnances qui étaient de plus en plus dangereuses, en particulier pour les Juifs immigrés. Ça a commencé par les gens qui avaient sauvé leur peau dans l'Espagne au moment de la guerre d'Espagne, mais rapidement ça s'est transformé en camp de concentration, il faut dire les choses comme c'est. Et il y a eu des camps de concentration en France dès 1938. Donc vous donnez la liste. Et je donne la liste qui n'est sans doute pas complète. Par exemple, je n'ai pas parlé de Bonne-la-Rolande ou d'endroits comme ça. Mais je parle de Rieux-Croix parce que c'est là que les mathématiciens connaissent tous Alexandre Grothendieck, hein, qui a eu la médaille Fields, très très grand homme des mathématiques modernes. Il a passé une partie de son adolescence dans ce camp. Il a eu une adolescence invraisemblable, mais il avait 12 ans, il était avec sa maman. Sa maman était une réfugiée de la guerre d'Espagne, un peu anarchiste, etc., enfin engagée, disons. Et ils ont été internés dans le camp de Rieux-Croix. Et le malheureux gamin, Alexandre Grothendieck, il s'en est sorti, et puis il est devenu un très très grand mathématicien. Mais il y en a d'autres. Il y a eu le fameux camp des Milles, près d'Aix-en-Provence, où ont été internés des gens très remarquables, en particulier Otto Meyerhoff, prix Nobel de médecine, qui était arrivé en France un an avant, qui avait lui aussi demandé la nationalité française, qu'il n'avait pas obtenu, parce qu'il pensait qu'il allait s'installer en France, qu'il était enfin tranquille, quoi. Et un an après, il était interné au camp des Milles, un endroit terrible, où il y avait aussi le père de Stefan Essel et puis Max Ernst. Il y avait des artistes, des écrivains, des grands noms de la science qui ont tous été internés bien avant la déclaration de guerre. Alors, il y avait également des musiciens. Bien sûr, il y avait des musiciens, oui. Et vous avez tenu, Sébastien Malibar, à ce que nous écoutions deux morceaux de musique. Ben, s'il vous plaît, et oui, je vous propose qu'on écoute le premier. Tout. Sébastien Balibar, que venons-nous d'entendre ? Eh bien, c'est une mélodie qui a été composée par Kurt Weill. Alors, Kurt Weill était un compositeur allemand qui a été lui aussi obligé de s'enfuir dès 1933, comme beaucoup de scientifiques et comme beaucoup d'artistes. Et donc, il est arrivé en France. Comme l'un de mes personnages de mon livre, Laszlo Tisza, sauf que Laszlo Tisza était passé par la Russie soviétique, en fait, Kharkov en Ukraine, et qu'il y a expérimenté de face, enfin, en vrai, les dérives du stalinisme. Bon, mais bon, passons. Et donc, Kurt Weill est arrivé en France en 1933, et là, comme les autres, il a tenté de s'intégrer. Enfin, si je comprends bien, en particulier parce que il a écrit une sorte d'opérette dont était extrait cette chanson qui s'appelle Youkali, on entend, bon. Et c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est l'histoire du Nil. Youkali, c'est le nom du Nil dans lequel on a envie de se réfugier et dont il dit à la fin qu'elle n'existe pas. Et donc, c'est très émouvant, je trouve. Et puis, moi, j'étais plongé dans ce livre, et donc ça m'a fait penser à ça. Alors, ce qui se passe ensuite, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, c'est que de même que Tisza a été obligé de repartir aux États-Unis, de même Kurt Weill, en 1935, c'est-à-dire un peu avant Tisza, s'est enfui aux États-Unis. Mais on entendra peut-être un deuxième extrait tout à l'heure, parlera du second. C'est promis. Je voudrais qu'on en apprenne un peu plus sur Laszlo Tisza, puisque vous racontez dans votre livre que vous avez donné une conférence en juillet 2007 à propos de ses travaux et de son histoire. Et c'est là que vous avez découvert un personnage que vous connaissiez déjà, mais pas complètement. Ben, je le connaissais par ses articles. Par ses écrits, mais là vous l'avez rencontré. Ce qui s'est passé, Il avait quel âge à l'époque? Laissez-moi revenir un tout petit peu en arrière. À force de m'intéresser à cette découverte fondamentale de la physique quantique qui s'occupe aussi d'un litre entier de liquide, j'ai été invité en l'an 2000 par Yves Michaud à l'Université de Tous les Savoirs à faire une conférence pour grand public sur la superfluidité. Et à cette occasion, j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de Tisza et j'ai rencontré un Américain, Dan Kleppner, qui est professeur au MIT, qui m'a dit « Mais tu sais, Laszlo Tisza, il a 93 ans, c'était en l'an 2000, et donc il vient toujours au laboratoire au MIT, et donc tu devrais le contacter. » Et donc je lui ai envoyé un mail à tisa@mit.edu. Et il m'a répondu. Et oui, et le mal est dans le livre. Et donc, on a commencé à échanger des idées, des informations, de plus en plus. On est devenus amis. Et puis, j'ai écrit un article sur la découverte de la superfluidité. Et c'est sans doute que lorsque le MIT a décidé de fêter le centenaire de Laszlo Tisza, qui était né le 777, comme il s'amusait à le raconter, c'est-à-dire le 7 juillet 1907, comme on était en juillet 2007, c'était le nouveau 777, et ils m'ont invité à parler une heure pour le centenaire de Tisza. Devant lui. Alors, je vous laisse voir dans mon livre comment ça s'est passé, parce que c'était finalement tragique. Mais ensuite, j'ai continué à m'intéresser à toute cette histoire et j'en ai appris de plus en plus jusqu'à une conférence au Collège de France il y a 2 ans et puis l'aide de Diane Dessau, dont je répète qu'elle m'a énormément aidé. Ce qui m'a permis d'élargir considérablement mon sujet à partir de ce personnage extraordinaire et de son ami Fritz London au problème général de l'immigration des savants, appelons-les comme ça, des chercheurs si vous voulez, ou des universitaires, à l'époque du nazisme. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors ceux qui ne sont pas partis ont fait de la prison. Vous parlez assez longuement de Lev Landau. Un russe. Lev Landau, oui, j'en parle, oui. Qui est d'ailleurs connecté aux travaux de Lisa que vous citez. Bien sûr, parce que, au passage, j'en profite, c'est l'un des multiples thèmes de ce livre où tous ces thèmes sont enchevêtrés. On en profite pour se demander comment se passaient les découvertes scientifiques dans un milieu mondialisé qui était néanmoins très compétitif, justement parce qu'il y avait des contacts, hein, et comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, entre Cambridge et Moscou. Et puis tous ces chercheurs, tous ces savants voyageaient énormément. On s'aperçoit que souvent grâce à la Fondation Rockefeller, caritative, remarquable, tous ces savants voyageaient dans toute l'Europe, y compris la Russie soviétique. Bon. Le monde était encore assez superfluide, on pourrait dire. Oui, sans trop de barrières. Il y avait quelques barrières à franchir. Hein, bon. Mais assez facile, au Congrès Solvay, par exemple. À oui, Bruxelles, ils se rencontraient oui, tous. Oui, sans doute, oui. Mais, oui s'écrivaient, bon, se connaissaient. Oui, oui. Et puis, il faut dire que cette communauté scientifique, elle était quand même moins abondante, moins nombreuse qu'aujourd'hui. Et donc, entre tous ces grands noms célèbres, parce qu'on rencontre, grâce à mes deux guides dans cette époque, on rencontre les plus grands noms de la science. Einstein, brièvement, mais quand même, Schrödinger, bien sûr, Rudolf Peierls, la découverte, en fait, d'ailleurs, du mécanisme de la fission nucléaire. C'est le moment peut-être de dire que ces immigrés, ils ont voulu être reconnaissants, montrer leur reconnaissance à l'égard de leur pays d'accueil en s'engageant dans la recherche militaire au moment de la déclaration de guerre. Et donc, c'est comme ça qu'un certain nombre d'entre eux, en France, ont travaillé sur Tissa, a travaillé sur les poudres. Bon, il y en a d'autres qui ont travaillé sur le caoutchouc parce que le Japon avait envahi le Vietnam et qu'il n'y avait plus de source de caoutchouc. Bon. Et puis, il y en a beaucoup au moment où on découvrait la théorie, si vous voulez, de la fission nucléaire, qu'on se rendait compte du danger colossal que représentait une possible bombe atomique nazie. Beaucoup de ces chercheurs se sont engagés progressivement en Angleterre dans le projet Maud, aux États-Unis dans le projet Manhattan. Qui va déboucher sur Hiroshima et Nagasaki. Qui va déboucher sur Hiroshima et Nagasaki, ce qui m'a amené à élargir encore le sujet de mon livre en me posant la grave et complexe question de la responsabilité des scientifiques dans la bombe atomique. Alors, progressivement, je me suis fait une idée là-dessus et j'explique que le responsable du massacre de Hiroshima, c'est le président Truman qui avait remplacé Roosevelt. Bon. Alors, peut-être qu'on peut séparer la période d'avant-guerre de la guerre elle-même, si vous voulez bien. Et revenir à Tissa avec London, qui sont tous les deux à Paris, qui collaborent, qui sont amis, qui font des travaux que vous jugez décisifs. Et qu'ils le sont effectivement. Et dans quel état psychologique était-il et comment parvenait-il à publier, à mener des expériences alors qu'ils étaient exilés? C'est évidemment une question qui m'est tout de suite venue à l'esprit. Comment faisaient ces grands esprits pour avoir une réflexion aussi profonde dans un cadre aussi instable qui était les prémices de la guerre avec l'antisémitisme qui croissait sans arrêt, en particulier en France. Bon. Alors là, je crois que je n'ai pas de réponse très claire à ça. Ce qui est sûr, c'est que Fritz London et Laszlo Tisza avaient des psychologies différentes. Fritz London était inquiet. Il voyait l'antisémitisme croître en France. Et il a écrit une lettre à Joliot-Curie qui voulait absolument le garder en France, que nous avons trouvé et qui est magnifique, dans un français extraordinaire, alors qu'il savait pas le français en arrivant, bon. Où il explique qu'il a peur qu'en France ça recommence comme en Allemagne, quoi. Parce que la France a essayé par tous les moyens de le garder à Paris. Faut voir aussi que c'était un homme extraordinaire. Il avait eu une formation de philosophe, donc il avait un doctorat de philosophie. Ensuite, il a fondé la chimie moderne en s'apercevant qu'elle relevait de la physique quantique, l'équation de Schrödinger, si vous préférez. Après, il est arrivé dans ses propriétés macroscopiques de la physique. Enfin, c'était vraiment un grand esprit. Hein. Bon. Mais il avait peur du développement de l'antisémitisme. Et donc, il s'est enfui. Il s'est enfui le 1er septembre 1939, c'est-à-dire le jour où l'Allemagne a envahi la Pologne. Bon. Et il était temps. L'Angleterre a décrété le blackout, etc. Bon. Et puis, il avait un billet avec sa femme et son bébé pour embarquer sur un bateau. Et sur ce bateau, ils l'ont refusé. Ils ont dit « Ah, mais vous avez un passeport allemand, c'est pas question qu'on vous prenne. Bon. » Et en fait, deux jours après, il avait trouvé un autre bateau, il a réussi à partir, sauf que le bateau sur lequel il aurait dû être a été torpillé par un sous-marin allemand. Autrement dit, il s'en est sorti par miracle. Alors, Laszlo Tisza, lui, il avait un sourire permanent. Ça m'a toujours frappé, j'ai des photos d'ailleurs. Toutes les photos que de lui vous montrez le montrent un peu comme Aaron Fest. Il est souriant, ouais. Paul Aaron Fest est comme ça. Vous en parlez de Paul Aaron Fest. Je parle de Paul Aaron Fest. Qui sourit partout et qui se suicide en 1933. Oui, alors c'est un peu contradictoire parce que le suicide d'Aaron Fest est dramatique. Les raisons, d'ailleurs, vous en parlez vous-même dans l'un de vos livres. Ils sont multiples. De suicide. Mais c'était bon, enfin, Ne digressons pas trop. Et donc, lui, au contraire, Laszlo Tisza, il avait l'air d'être souriant en toutes circonstances. Quand il a été chassé de Kharkov par le stalinisme, il a trouvé le moyen d'aller se promener à Yalta pour voir, quoi, comme ça. Bon. Et puis en France, quand la France a été envahie donc par la Wehrmacht, il s'est enfui avec les gens du Collège de France, en particulier avec Jacques Adamar, qui l'a protégé. Il se connaissait parce que sa fille, Jacqueline Adamar, était dans le laboratoire de Langevin, comme au Collège de France, comme Tisza. Donc, ils les ont pris sous leur protection. Ils ont emmené dans deux voitures qu'ils avaient, chercher leurs enfants en Bretagne, traverser la Loire. Au moment où l'armée, enfin les avions allemands bombardaient les routes et les ponts. Et il est passé à travers tout ça en gardant le sourire, en disant « Bon, on a trouvé des gens agréables en arrivant à Toulouse, il faisait beau. Bon. » Mais ensuite, c'est devenu extrêmement grave, parce que les juifs, les étrangers juifs étaient susceptibles d'être internés sans raison explicite. Ils étaient interdits aussi de se déplacer. Il a obtenu un visa à la dernière minute. Ça a été des acrobaties pour arriver à aller chercher le visa à Marseille et ensuite avoir un visa pour traverser l'Espagne, le Portugal, trouver encore un bateau. Il s'en est sorti à son tour, toujours avec le sourire. Bon. Et puis London a écrit avec le directeur, je crois, du Collège de France, qui s'appelait Edmond Bauer. C'était un article en 1939 fondamental sur la mesure en mécanique bien quantique, oui. Qu'il conclut en disant qu'il y a des découvertes qui sont faites par les physiciens qui correspondent à des découvertes philosophiques négatives, c'est-à-dire qu'elles viennent changer les termes en lesquels on peut répondre à certaines questions philosophiques comme la nature du réel. Et oui. Mais il faut dire qu'il y a des ruptures, presque philosophiques. Oui, il y a des ruptures dans le progrès des sciences et même des sciences humaines. Oui, mais qu'il ait pu écrire cela en 1939, l'agitation oui, que vous venez de décrire. Mais bien sûr, c'est typique d'un très très grand esprit qui avait une formation multiple, en particulier en philosophie. Oui. Mais je voudrais qu'on revienne un instant pour sentir le climat de la France dont vous parlez là, oui. Dès 1933, oui. Sur le cas d'Einstein. Parce qu'Einstein... Oui. Et le premier à partir, hein, il revient des États-Unis au début de l'année 33 après une tournée de conférences, apprend que son appartement de Berlin a été visité pillé, par les nazis, oui. Qu'on brûle ses livres. Il en était de même de l'appartement de London d'ailleurs. Voilà, donc il comprend qu'il ne peut pas rentrer, il passe quelques mois à Coq-sur-Mer en Belgique en attendant de trouver un point de chute. Et en fait, le ministre de l'Éducation nationale français, qui s'appelait Anatole de Monzy, lui rend visite le 8 avril 33. En lui disant qu'il est d'accord pour qu'il soit nommé professeur au Collège de France par décret spécial, c'est-à-dire sans qu'on demande aux professeurs de se réunir pour voter à ce sujet. Et Einstein accepte. Et sa chaire est créée officiellement par la loi de finances du 31 mai 1933, article 27. Et Einstein envisage de venir à Paris à partir d'avril 34. En fait, il ne viendra pas, il partira à Princeton. Mais dès que cette annonce est faite, la presse française s'empare du sujet, notamment le Figaro. Dans un article du 18 mai 33, un certain monsieur François Coty, qui était un industriel aux sympathies fastigeantes, écrit en première page « Le communisme au Collège de France ». Je le cite « Le professeur Einstein ayant quitté l'Allemagne est aussitôt pourvu par monsieur de Monzy d'une chaire au Collège de France. À quel titre ? En qualité de savant ? Le professeur Einstein a déclaré qu'il y avait dans le monde entier seulement trois hommes en état de comprendre quelque chose à sa théorie. Je ne suis pas l'un des trois, monsieur de Monzy non plus, passons. En qualité d'Israélite persécuté, mais le Collège de France n'a pas été créé pour hospitaliser tous les Israélites qui, se jugeant persécutés, se targueraient d'une science inaccessible au reste des mortels. C'est quand même un monument de bêtise. Et quelques lignes plus loin, il dit « Monsieur de Monzy est l'agent le plus actif des soviets en France. Il n'a pas imposé Monsieur Einstein au Collège de France en qualité de juif persécuté, mais en tant que marxiste, communiste, bolchevique, militant. » Fin de citation. La période Je pense était... que ça n'a pas incité Einstein à venir. Et non. Et Einstein, apprenant cet article, donne sa fameuse conférence à Londres, au Royal Albert Hall, en disant ceci « Nous ne nous opposerons réellement aux puissances qui menacent les libertés intellectuelles et individuelles que lorsque nous aurons reconnu que la notion même de liberté, pour laquelle nos ancêtres s'étaient déjà déchirés, est aujourd'hui en péril. Sans cette liberté que je viens d'évoquer, pas de Shakespeare, pas de Goethe, pas de Newton, ni de Faraday, ni de Pasteur. » C'est très émouvant. Hein. Voilà, c'est quand même 30, ça donne c'est une 33, idée aussi ça. De la violence du débat, ouais. Si c'en était un, et de la presse. À l'époque. Ça me fait penser aussi à quelque chose que je peux peut-être dire maintenant, c'est que on a voulu se réconcilier, bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le cas dans ma famille, d'ailleurs, au passage. Mais il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il se passe quelque chose en ce moment, parce que peut-être que la dernière génération qui a connu cette période, ces événements épouvantables, est en train de disparaître. Et donc je crois qu'en restant calme, si possible, il est important de se souvenir. Et c'est le moment de le faire. Vous avez rencontré Laszlo Tisza, donc à l'occasion du centenaire, et puis par la suite, il est mort à 103 ans. Oui, 102, Comment, disons, dans sa 103e année, comment lui parlait-il de cette période parisienne? Alors, merci de me poser cette question, parce qu'il n'en parlait pas. Comme s'il ne voulait pas qu'on parle de ça, c'était soit trop douloureux, soit... Parce qu'il existe une sorte de biographie, d'autobiographie de Laszlo Tisza, où j'ai puisé beaucoup de renseignements intéressants, qui est en fait un interview par un autre Hongrois de ses amis qui s'appelle Andor Frenkel. J'ai été en contact avec Andor Frenkel qui m'a lui aussi aidé. Et donc dans cette biographie, il y a beaucoup de renseignements intéressants, mais sur ce qu'il a vraiment souffert dans cette période, il n'y a pratiquement pas un mot. Bon. Et c'est en allant chercher dans les archives du CNRS, j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos que la création du CNRS par Jean Perrin a été cruciale dans l'accueil des immigrés. Parce que avant, il y avait une exigence de nationalité française pour avoir un poste fixe dans les universités. Et la création du CNRS a assoupli ce système et ça a permis, par exemple, de donner un salaire ou au moins une bourse dans le cas de Tisza, mais un vrai salaire de maître de recherche. Mais est-ce qu'avant, il n'y avait pas eu la création de la Caisse nationale de la recherche? Oui, effectivement. La naissance du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, est le résultat de la fusion d'autres organismes avant, dont un qui s'appelait la CNRS, parce que la Caisse, mais aussi d'autres organismes, qui ont été tous rassemblés, justement, à l'initiative de Jean Perrin, pour créer le CNRS. Et donc, pour revenir à Tisza, les aspects qui pourraient paraître comme revendicateurs, apparemment, Tisza ne voulait pas en parler. Donc, son sourire cachait une détresse, je crois. Oui. Vous parliez tout à l'heure, Sébastien Balibar, d'un second morceau de musique. Ah oui, oui. Il est temps de l'écouter. Tomorrow is near, Sébastien Balibar, magnifique chanson que vous avez choisie. Oui, celle-là est en anglais, et elle est en anglais parce que Kurt Weill, dont je parlais tout à l'heure, donc qui avait fui l'Allemagne nazie, était d'abord en France, où il avait composé des chansons ou des mélodies en français. Ensuite, il est parti aux États-Unis, et donc cette chanson qui a un petit côté Broadway, elle est en américain cette fois-ci. Bon, c'est chanté par Ute Lemper, qui est un enregistrement non moins célèbre, peut-être autant que Teresa Stratas avant. Et donc, cette fois-ci, était-ce parce que Kurt Weill se sentait définitivement à l'abri, je ne sais pas. Mais c'est une chanson d'amour. Speak low, ça veut dire parle doucement, parle-moi doucement. Et dans les paroles, il dit parle-moi doucement. Elle dit parle-moi doucement quand tu me parles d'amour. Et elle dit même, elle accuse le temps d'être un traître parce que il l'oblige à. Et que dans ces conditions, il faut profiter de la vie tout de suite, quoi. Bon, donc, chanson d'amour très émouvante. Que pour ne rien vous cacher, j'ai un plaisir particulier à chanter avec mes filles qui chantent et moi je suis au piano et donc je vais pas les larmes aux yeux devant vous, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Toutes les histoires que vous racontez mettent en scène des personnages courageux, pathétiques parfois, oui. Attachants, oui. Mais il y a quelque chose de. Que je citais en préambule, qui est absolument dramatique, qui se joue à l'époque, à savoir que ces grands physiciens, pour la plupart, partent aux États-Unis et les compétences sont donc transférées d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Est-ce qu'on arrive à faire une histoire contrefactuelle, c'est-à-dire à se dire qu'est-ce qui se serait passé si tous ces physiciens étaient restés en Europe, s'il n'y avait pas eu la guerre, que serait l'Europe aujourd'hui d'un point de vue scientifique s'il n'y avait pas eu cette sorte de basculement des compétences d'un côté à l'autre de l'Atlantique? Ce serait très différent, c'est sûr. Parce qu'il y avait une puissance de feu intellectuelle absolument incroyable. Absolument incroyable, mais non seulement ça, c'est-à-dire non seulement le nazisme a ravagé la science allemande qui était la plus brillante de l'époque, mais cette émigration massive aux États-Unis a construit aux États-Unis une physique, et pas seulement, une science de tout premier plan, en particulier dans des domaines où ça n'existait pas à l'époque. Ce qu'on appelle la « big science ». Entre autres. Je ne sais pas ce qu'on appelle la big science. La bombe atomique. Ah, c'est ça que vous voulez dire, oui. Les grosses équipes. Oui, mais pas seulement, parce que tous ces grands scientifiques, d'abord, le temps de la guerre, ils ont effectivement participé au projet Manhattan, beaucoup d'entre eux, mais dès que la bombe, au lieu d'être simplement montrée, au lieu de simplement montrer une expérience qui avait eu lieu dans un désert du Nouveau-Mexique, Truman s'en est servi. Bon. Pour tuer les populations civiles à Hiroshima et Nagasaki. Et au même moment, sauf quelques-uns, comme Hans Bethe, par exemple, ou Edward Teller, qui lui était hongrois, qui ont continué, en particulier pour aider à la construction de la génération suivante, c'est-à-dire les bombes H, hein, bon, tous les autres ont absolument déserté toute recherche militaire, sont devenus des militants pacifistes, et ont permis un développement extraordinaire, en tout cas pour ce qui est de la physique que je connais mieux que le reste, un développement extraordinaire des sciences fondamentales. Et de la physique des particules. Donc, en particulier. En particulier de la physique des particules, bien sûr, mais aussi de la physique théorique dans tous ses aspects. Bon. Et donc, évidemment, on peut se demander ce qui serait passé si la France avait résisté au nazisme et permis de garder ses scientifiques en France. Alors qu'il y en a quelques-uns qui sont revenus en Europe, en particulier en Angleterre, oui. Bah, ça aurait été très différent, mais je n'ose pas proposer d'hypothèse. Imaginons qu'on ait eu Einstein, professeur au Collège de France, ah, à partir de 1934. Ça aurait été bien, oui, oui. Peut-être pas pour lui, mais en tout cas pour... Mais il y a des gens, très, peut-être pas Einstein, au niveau d'Einstein, quoique, bon, il y a des gens extraordinaires au Collège de France. Moi, j'ai une admiration folle pour... Ah, c'est pas ce que je voulais dire, hein, évidemment. Non, mais je sais, mais j'en profite pour le dire. Bon. Alors justement, venons au présent, si vous le voulez bien. Vous êtes très actif dans une association qui s'appelle PAUSE. Oui. Comment a-t-elle été créée? Quel est son objectif et comment fonctionne-t-elle? Oui, alors c'est une association, oui, si on veut. Et donc, historiquement, ce qui s'est passé... Ça s'écrit PAUSE, je précise. Oui, ça veut dire Programme d'aide en urgence aux scientifiques en exil, quelque chose comme ça. Bon. Et donc, ce programme, cette action, en somme, politique, a été initiée, autant que je me souvienne, en 2016, à l'initiative d'un certain nombre de professeurs du Collège de France, parmi lesquels Alain Prochian et Edith Hurd, tous deux biologistes. Alors, il faut dire qu'en 2016, en octobre 2016, le Collège de France, qui fait régulièrement en octobre des grandes conférences de rentrée, a proposé une grande conférence de 3 jours, sur le triple problème migration, réfugiés, exil. Ce qui sous-entendait des considérations politiques, mais qui remontait jusqu'à des migrations d'il y a 3000 ans. Hein, donc c'était très vaste. Bon. Et donc ils m'ont invité à parler à cette conférence de rentrée du Collège de France, ce qui m'a fait très plaisir parce que j'avais envie de raconter cette affaire de scientifique à l'époque des nazis. Et donc quand j'ai connu la création de PAUSE, j'ai demandé s'ils avaient besoin de gens comme moi. Et ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc je fais partie du comité de coordination de ce programme. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, nous avons informé l'ensemble des institutions, universités, centres de recherche, etc. en France, de la possibilité qu'on les aide à une aide temporaire en attendant un poste plus stable, qu'on pourrait donner à des scientifiques qui sont en exil et qui essayent de venir en France, bon. Ou qui y sont déjà, mais qui n'ont rien pour nourrir leur famille. Et donc, on a commencé à travailler, ça a progressé très très vite, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, on accueillait déjà plusieurs dizaines de réfugiés, qui venaient principalement soit de zones en guerre, telles que la Syrie, l'Irak, le Yémen, épouvantable, bon, soit de zones où les libertés sont en grand danger, comme la Turquie, mais ça va jusqu'au Venezuela, en passant par l'Afghanistan, le Pakistan, quelques Russes aussi. Bon. Donc, on a reçu des demandes d'aide d'assez nombreux scientifiques, qui sont souvent des gens qui ont quelques contacts avec la France parce que, par exemple, ils ont fait un doctorat en France et puis ils sont repartis comme professeurs dans leur pays. Et là, ils sont chassés à nouveau par la guerre ou la politique. Bon. Et donc, on a pu en accueillir plusieurs dizaines. Ensuite, on a obtenu... Alors, vous voyez, c'est comme en 1939... avec le Front Populaire, ou 38, pardon, qui donne l'utilité publique pour reconnaître le travail de Louis Rapkin. Donc, on a reçu une aide officielle du gouvernement à l'époque où c'était encore François Hollande le président. Et ça nous a permis de commencer à accueillir environ 120 réfugiés par an, d'autant plus que non seulement le nouveau gouvernement sous la présidence donc de Monsieur Macron a prolongé l'aide que nous donnait le gouvernement précédent, donc ça a stabilisé nos finances, et puis surtout, heureusement, alors là c'était vraiment bien, on a obtenu le soutien de l'Europe, ce qui nous a donné alors là encore plus de finances, hein, et ce qui nous permet maintenant d'élargir l'accueil au-delà des scientifiques. Et est-ce que le nombre de demandes que vous recevez augmente? Alors, ou est-ce que c'est un flux continu? Ça fait que 2 ou 3 ans qu'on travaille, donc j'ai du mal à répondre à cette question. quelque chose d'intéressant, enfin d'important, je crois, et qu'on s'est rendu compte que c'est pas si facile en un an seulement pour un immigré qui a sa famille, qui parle pas forcément français, qui a arrêté de faire de la recherche parce qu'ils étaient sous les bombes, etc. C'est pas facile pour ces gens-là de reconstruire un curriculum vitae à la hauteur de la demande sur des concours de recrutement en France, qui sont d'ailleurs internationaux. Donc on a pu étendre à 2 ans éventuellement, à condition que dans la première année ils aient vraiment démarré. On surveille ce qui se passe. Bon, maintenant on saura si effectivement le nombre augmente ou pas dans l'avenir. Hein. Bon, et mon rôle là-dedans, ça consiste à évaluer les demandes qui sont faites, hein, qui sont faites en fait par leur organisme d'accueil, qui est une université ou un institut de recherche. Donc on évalue la qualité scientifique, les promesses d'une stabilisation de ces malheureux immigrés, et puis bien sûr le degré d'urgence qu'il y a à les accueillir, parce qu'ils sont parfois dans des situations épouvantables, il y en a d'autres qui sont moins en danger, quoi. Donc on donne une priorité à ceux qui en ont le plus besoin et qui ont les projets scientifiques ou les talents nécessaires pour recommencer une carrière, si vous voulez. Voilà. Et je suis très heureux parce qu'on forme un groupe compact, actif, très, très, très agréable à fréquenter, en tout cas. Oui. On a parlé, Sébastien Balibard, de Laszlo Tisza, qui est l'un des personnages importants de votre livre. C'est un peu mon guide dans toute cette histoire. Je le suis dans ce qui lui arrive et on rencontre tous les autres. Et Fritz Laudon, on en a un peu moins parlé, mais. Oui. Oui, quand Fritz Laudon a reçu en 1953. La médaille Lorenz remise par l'Académie royale hollandaise des sciences. Voilà, oui. Il a dit, pendant l'essentiel de ma vie, j'ai eu la chance de faire les choses que ma propre nature m'incitait à faire. C'est embarrassant de recevoir une telle marque de respect pour avoir simplement fait cela. Autrement dit, il parle comme s'il avait toujours été libre, alors qu'il a subi toutes les humiliations, les problèmes que vous évoquez dans le livre. Oui, on peut interpréter ces phrases de différentes manières. Je crois pas qu'il... J'ai dit tout à l'heure qu'il était très inquiet en 1939 et que c'est pour ça qu'il s'est enfui à nouveau. Donc il n'était pas complètement libre quand même. Bien que dans toute cette période, il a publié des quantités d'articles à faire rougir le scientifique des années 2019, tellement il était productif malgré cette situation. Mais on dit que les artistes ont besoin de contraintes pour être créatifs. Est-ce que c'est vrai pour les scientifiques, à votre avis? Quand je parle de contraintes, ça peut être des contraintes formelles ou au contraire des contraintes... Mais je voudrais terminer ma réponse à la question précédente, puis après on y viendra, oui, à l'instabilité nécessaire pour la création. Oui. Comme peut-être beaucoup de gens qui peut-être répondent à cette idée absurde mais reçue qu'un vrai travail, c'est ce qui vous donne de la peine, quoi, bon... London avait l'impression qu'il s'était fait plaisir en faisant ses découvertes. Et le plaisir, il est là. Moi-même qui ai fait des petites choses, je sais bien que quand j'ai trouvé ceci, cela, j'avais un plaisir magnifique. Ça veut pas dire qu'on se donnait pas de la peine. Hein. Le travail scientifique, c'est quand même hard, comme on pourrait dire en anglais. Bon. Donc, je pense que c'est ça qu'il avait en tête, c'est qu'on le remerciait pour s'être fait plaisir et que c'était peut-être un peu étonnant, mais bon, c'est sa modestie à lui. Les grands hommes sont modestes. Hein. Bon, enfin... Pas tous, d'ailleurs. Monsieur Landau, c'était pas son cas. Alors, ensuite, pour revenir à ce que vous disiez après, j'ai un petit paragraphe, effectivement, là-dessus, dans mon livre, où je m'étonne que des artistes, principalement, mais visiblement aussi des scientifiques, ont besoin d'une certaine instabilité pour la création que représente la découverte scientifique de telle ou telle propriété ou de telle ou telle théorie. Bon. C'est étonnant, mais je crois que c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai des amis artistes, peintres par exemple, qui se forcent à des situations de déséquilibre. Et ça me rappelle certains aspects de la physique contemporaine. Parce que dans la physique contemporaine, il y a une physique qu'on appelle des milieux désordonnés, qui inclut les propriétés des vers. Il y a des vers à vitre, mais il y a aussi deux vers qui sont simplement des solides désordonnés. Et le fait qu'il y ait du désordre fait que le système n'est pas stable dans un état fixe. Au contraire, le système évolue en permanence. Et il y a même des gens qui filent la métaphore plus loin en disant que les systèmes désordonnés sont vivants. C'est un peu exagéré, mais bon. Ça donne l'idée, cette impression qui est vraie, qu'un certain déséquilibre force à prendre une certaine distance, à bouger, à éventuellement à inventer quelque chose. Et ça, c'est un aspect très très intéressant de la physique moderne. Le désordre qui serait créatif d'une certaine dynamique. C'est ça, oui. Et en particulier c'est... d'un progrès scientifique, alors que la science, c'est quand même rigoureux, quoi. C'est pas de la psychologie. Mais, de fait, il y a de l'irrationnel dans les découvertes scientifiques. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça me rappelle à nouveau autre chose, qui est que Laszlo Tisza et Fritz London, ils avaient eu des idées préliminaires sur le fait que la physique quantique pourrait concerner aussi les systèmes macroscopiques qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc, ils avaient déjà publié des articles, en tout cas London, des articles très importants, sur la cousine de la superfluidité qui s'appelle la supraconductivité, qui est en fait une superfluidité d'électrons. Ouais. Et donc, Laszlo Tisza y croyait, parce que le formalisme de la physique était mathématique, et que comme il croyait à la justesse des mathématiques, ça voulait dire que les mathématiques devaient s'appliquer à la vie courante, quoi. Bon. De l'irrationnel complet. Mais saisissant comme quoi la psychologie parfois joue un rôle dans les découvertes les plus rationnelles, quoi. C'est assez étonnant. Oui. Et assez réjouissant. Ah oui, merci, oui, Sébastien Balibar, d'être venu à cette émission qu'on a senti traversée par moments d'émotions intenses. Je vous remercie pour cela et je recommande la lecture de votre livre « Savant cherche refuge ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Claude Niort et à la réalisation Thomas Jost. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.